Le cercle s'est restreint, je l'ai vu dans le carré. Le cercle s'est restreint, je l'ai vu dans le carré. Plus de peine pour eux, j'ai tant donné. Ça suffit, je veux plus pardonner. On t'offre pas de fleurs, encore moins de cadeaux. C'est le tarot n'est pas bon, on t'arrose. J'ai trop zoné, saigné sur le parvis. J'suis comme un requin dans l'aquarium. J'ai perdu, ce sont des choses qui arrivent. Un homme se reconnaît qu'à la parole. Yeti, yeti, story du barrio. À mes principes, je suis marié. Y'a pas de retour en arrière. Chacun porte son fardeau. Pourquoi faire semblant de s'ignorer? Laisse-moi t'aimer comme Mario. La fin du film sera salée. Tu connais déjà le scénario. Bang, bang, bang, bang. Le cœur est vide, les poches sont pleines, pas besoin de parler. J'ai toujours le même frère, j'suis fidèle à mon calibre. Confiance en personne, Tony, hein, tu es mani. Yeah. Le cercle s'est restreint, je l'ai vu dans le carré. Je l'ai vu dans le carré. Ce qui est cassé, tu peux plus réparer. Tu peux plus réparer. On s'est battu contre vents et marées. C'est mon classique, ça durera des années. Yikidi yikidi yikidi ya ya. Yikidi yikidi ya. Yikidi yikidi yikidi ya ya. Oh la la la. Yikidi yikidi yikidi ya ya. Yikidi yikidi ya. Yikidi yikidi yikidi ya ya. Oh la la la. Y'a personne dans le carré. C'est le cimetière ou le parloir. À la porte ils se font recaler. Ils parlent sur nous, pourquoi les cala. Tellement parano comme Kanye. Écorché vif comme Kaina. Pour eux j'en suis navré. J'ai la mélodie qui fait baila. Rotef, mani, guitare et ukulélé. Tout ça parce qu'il y a pas les lobes. Sur un thé ça préfère mailler. Plutôt que finir comme Makelele. Rotex, mani, guitare et ukulélé. Tout ça parce qu'il y a pas les lobes. Sur un thé ça préfère mailler. J'écoute pas conseil de la nuit. Conseil de la nuit. Dans le sein je navigue. J'écoute pas conseil de la nuit. Conseil de la nuit. Dans le sein je navigue. Le cercle s'est restreint, je l'ai vu dans le carré. Je l'ai vu dans le carré. Ce qui est cassé, tu peux plus réparer. Tu peux plus réparer. On s'est battu contre vents et marées. C'est mon classique, ça durera des années. Yikidi yikidi yikidi ya ya. Yikidi yikidi yikidi ya ya. Oh la la la.